Chapitre 9e. Madame de Mussidan n'était pas la seule à ne pas vouloir que Geneviève allât chez Mademoiselle de Puylaurens. Sébastien et Frédéric ne le voulaient pas plus qu'elle. Quand ils avaient eu connaissance de la proposition de leur tante de prendre Geneviève chez elle, ils avaient poussé les hauts cris. Ils ne supporteraient pas cela, ce serait un bol. Bien qu'ils fussent fâchés avec leur tante, ou plutôt que leur tante fût fâchée avec eux, ils n'admettaient pas du tout l'idée qu'elle pouvait les déshériter. Chez eux aussi, le principe d'héritage était article de foi. Il était de par la loi les héritiers possibles de leur tante, donc la fortune de celle-ci leur appartenait. Qu'ils eussent consenti à la partager avec leur petite sœur, c'était déjà très beau, car enfin, après avoir possédé chacun la moitié de cette fortune, en être réduit à n'en avoir qu'un tiers était une déception cruelle. Mais que maintenant Geneviève allât à corde, s'insinua dans les bonnes grâces de la tante tombée en enfance, la séduisit, la circonvint, et se fit par testament instituer légataire universel, c'était ce qu'ils ne permettraient pas. Ils avaient des droits, ils les feraient valoir. Quand ils avaient parlé de ces droits à leur père, celui-ci s'était emporté et les avait envoyés promener. « Il n'y a qu'un héritier de Mademoiselle de Puylaurens, c'est moi. Puisque vous êtes fâchés avec elle, et vous autres, n'êtes-vous point fâchés aussi? Cela n'empêche pas que nous soyons ses petits-neveux. Comme ma rupture avec elle n'empêche pas que je sois son neveu, le père passe avant les enfants peut-être. Elle a dit que vous n'hériterez jamais d'elle. Ce que dit une fois n'a pas de valeur aux yeux de la loi. Il s'amorce sur une question avidée que celle de savoir si son testament est ou n'est pas nul. S'il n'y a pas de testament, c'est moi qui hérite, ce n'est pas vous. Et s'il y a un testament en faveur de Geneviève, c'est elle qui hérite. Voilà ce que nous ne voulons pas. Vous nous l'avez imposé comme sœur, c'est déjà bien assez. Devais-je vous consulter pour me marier ? Il n'avait rien répondu, mais il n'était pas difficile de voir ce qu'il pensait là-dessus. Évidemment, c'était une absurdité qu'un père qui avait des enfants pût se remarier. Plus qu'une absurdité, un bol, puisqu'un nouvel enfant les dépouillait d'une partie de ce qui leur appartenait. Mais avec leur belle-mère, ils s'étaient mieux entendus. Quand il lui avait dit qu'il s'opposait au départ de leur sœur pour corde, elle leur avait répondu qu'elle ne désirait pas ce départ plus qu'eux. « Si Geneviève bat à corde, vous lui en voudrez, n'est-ce pas ? » avait-elle dit. « Mortellement, » dit Frédéric. « Puisque nous n'y allons pas, elle ne doit pas y aller plus que nous, » s'écria Sébastien. « Je pense comme vous là-dessus. Ce que je souhaite, c'est que vous restiez bien avec Geneviève, que vous la traitiez en sœur. Et je sens qu'il n'en serait pas ainsi si elle allait à corde. Certes non. D'autre part, je ne désire pas du tout qu'elle soit avantagée par sa tante à votre détriment. Je trouve qu'une fortune d'un million, c'est bien assez pour elle. Je le pense, » dit Sébastien. « C'est un beau rêve, » continua Frédéric. Elle eut l'air de ne pas comprendre tout ce qu'il y avait de reproche et d'envie dans ces deux exclamations, et elle continua, allant droit à son but. « Tâchez donc d'empêcher votre père de la laisser partir. Je vous promets que je serai avec vous. Mais si vous voulez réussir, ne le contrariez pas, ne le fâchez pas. Ce sera le plus sûr moyen de la faire partir. Tâchez plutôt de le persuader qu'il a intérêt à ce qu'elle reste à Paris. » La réponse de leur père à Mademoiselle de Puylaurens leur avait rendu un peu de tranquillité, mais la suppression de l'indemnité les inquiéta. Si on coupait les vivres à leur père, tiendrait-il bon jusqu'au bout? Chaque fois qu'il le voyait, il l'excitait contre Mademoiselle de Puylaurens, et c'était alors un accord parfait entre le père et les deux fils pour traiter comme elle le méritait cette vieille coquine qui ne mourrait point. Mais il aurait fallu plus que des paroles, ils le sentaient. Ils le sentirent mieux encore quand ils virent leur père réduit aux 150 francs de Lille au lieu des 300 francs qu'il recevait de corde, avant la rupture, avec Mademoiselle de Puylaurens. Dans ces conditions, ce qu'il aurait fallu, ça aurait été compléter ce qui manquait pour arriver aux 300 francs, et certainement ce n'eût pas été un mauvais placement, quand même ils auraient dû le tirer de leur poche. Mais par malheur, elles étaient trouées, ces poches, et avec la meilleure volonté du monde, ils n'en pouvaient rien tirer. Quant à emprunter, il y avait beau jour qu'ils ne trouvaient plus un sou pour eux, et que partout ils étaient brûlés. Tous deux connaissaient leur père et ne se faisaient aucune illusion sur ce qui arriverait quand il aurait besoin de 100 francs. Il enverra la petite sœur à corde. Ce qui est à craindre, c'est que la tante ne négocie la cession de la petite. Pour qu'elle ait supprimé les 300 francs, il faut qu'elle soit enragée du désir d'avoir un enfant à élever, à aimer, un désir de vieille fille. Un jour ou l'autre, demain peut-être, notre père ou ses doux s'en aviseront, un arrangement sera vite conclu. Tant en sus de l'indemnité et nous serons fichus. Précisément. Quelle idée aussi de se toquer de cette petite, sans la connaître. C'est là ce qui est humain, sans doute le besoin de jouer à la poupée. si encore c'était une peste !» Mais avec ses yeux tendres, son parler doux, ses manières timides, c'est une enjôleuse. Trouvons un moyen pour que la petite soit indispensable à notre père. Ils cherchèrent. Mais c'était le diable à trouver. D'un côté, une petite fille de 10 à 11 ans, de l'autre, un homme qui ne faisait rien que de se promener, que de se montrer dans Paris. Si encore il avait été saltimbanque, il aurait pu la faire travailler devant l'honorable société. S'il avait été paralysé, il aurait pu se faire pousser par elle dans un fauteuil roulant. Ou bien, s'il avait été un phénomène vivant, on aurait pu la louer. S'il avait eu 15 ans, on aurait pu l'exploiter autrement. Mais non, au lieu d'être un phénomène, elle était comme tous les enfants, plus jolie même que la plupart des enfants. Au lieu d'avoir 15 ans, elle n'en avait pas 11. À quoi était-elle propre? Plus tard, on verrait, mais pour le moment, il fallait attendre. Un incident était venu leur prouver qu'au lieu d'attendre, ils devaient au contraire se hâter. Un soir, en sortant de chez son couturier, Sébastien avait trouvé son frère qui l'attendait sous la grande porte. « Sais-tu quelle visite j'ai reçue ce matin ? Peut-être la même que j'ai reçue ce soir, mon père, qui avait besoin de 100 francs pour demain. À qui il fallait 100 francs ? Tu vois ? Tu vois. Je vois que nous sommes à la veille d'assister au départ de la petite sœur pour Cordes. Je crois que j'ai un moyen, dit Sébastien. Tu sais, Clara, la femme de Bataclan à qui j'ai fait une algarade, tu l'as revue ? J'avais été si bête et si grossier avec elle que je suis retourné la voir. Nous avons causé. Ce n'est pas du tout une fille de comptoir comme les autres. C'est une honnête fille qui a eu des malheurs. Oui, mon cher, et très touchant. Si je te racontais son histoire, tu verrais que c'est l'honnête fille que je te dis, et de plus, une femme intelligente. Elle a 100 francs à te prêter ? Non. Ou si elle les a, je ne les lui demanderai pas. Mais elle a un frère, Altaras, qui est second régisseur à la Porte Saint-Martin. J'ai fait sa connaissance. Il paraît qu'on va monter une pièce à son théâtre dans laquelle il y a un rôle d'enfant. Une pièce sur laquelle on compte. 300 représentations au moins, on cherche l'enfant. Tu voudrais ? Je voudrais faire engager la petite. Tu comprends que si notre père est sûr de 300 représentations à 20 francs par soirée, il n'aura pas l'idée de laisser la petite partir pour Cordes. 20 francs par jour pendant un an, cela vaut mieux que tous les arrangements qu'il pourrait conclure avec la tante.